بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Le tout clément. علم القرآن Il a enseigné le Coran. خلق الإنسان Il a créé l'homme. علمه البيان Et lui a appris à parler clairement. الشمس والقمر بحسبان Le soleil et la lune gravitent selon un calcul précis. والنجم والشجر يسجدان L'étoile et les arbres se prosternent. والسماء رفعها ووضع الميزان Le ciel, il l'a élevé et il a établi la balance de l'équité. ألا تطغوا في الميزان Afin que vous n'abusiez pas dans la pesée. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان Pesez donc avec équité, ne trichez pas dans la pesée. والأرض وضعها للأنام La terre, il l'a aménagée pour les humains. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام S'y trouvent des fruits, ainsi que les palmiers chargés de leur régime. والحب ذو العصف والريحان Et les graines de céréales dans leurs enveloppes, ainsi que les plantes odoriférantes. فبأي آلاء ربكما تكذبان Quel bienfait de votre Seigneur, oseriez-vous donc, vous deux, démentir خلق الإنسان من صلصال كالفخار Il créa l'homme d'une argile semblable à celle de la poterie. وخلق الجان من مارد من نار Et il créa les djinns d'un feu pur et sans fumée. فبأي آلاء ربكما تكذبان Quel bienfait de votre Seigneur, oseriez-vous donc, vous deux, démentir رب المشرقين ورب المغربين Le Seigneur des deux Orients, il est aussi le Seigneur des deux Occidents. فبأي آلاء ربكما تكذبان Quel bienfait de votre Seigneur, oseriez-vous donc, vous deux, démentir مرد البحرين يلتقيان Il a laissé courir les deux mers qui se rencontrent. بينهما برزخ لا يبغيان Entre les deux se dresse une barrière, pour qu'elles n'empiètent pas l'une sur l'autre. فبأي آلاء ربكما تكذبان Quel bienfait de votre Seigneur, oseriez-vous donc, vous deux, démentir يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان De toutes deux sortent les perles et le corail. فبأي آلاء ربكما تكذبان Quel bienfait de votre Seigneur, oseriez-vous donc, vous deux, démentir وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام À lui appartiennent les navires qui voguent en haute mer et se dressent fièrement comme des montagnes. فبأي آلاء ربكما تكذبان Quel bienfait de votre Seigneur, oseriez-vous donc, vous deux, démentir كل من عليها فان Tout ce qui est sur elle est appelé à périr. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام Et seul restera le visage, Waja, de ton Seigneur, à la majesté suprême et à l'infinie noblesse. فبأي آلاء ربكما تكذبان Quel bienfait de votre Seigneur, oseriez-vous donc, vous deux, démentir يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن Ceux qui sont dans les cieux et sur terre l'implorent sans cesse. Lui qui, chaque jour, s'occupe d'une œuvre nouvelle. فبأي آلاء ربكما تكذبان Quel bienfait de votre Seigneur, oseriez-vous donc, vous deux, démentir سنفرغ لكم أيها الثقلان Nous allons bientôt nous occuper de votre jugement. Oh vous, hommes et djinns فبأي آلاء ربكما تكذبان Quel bienfait de votre Seigneur, oseriez-vous donc, vous deux, démentir يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان Oh vous autres, djinns et humains, si vous pouvez vous échapper des domaines des cieux et de la terre, faites-le. Mais vous ne pourrez le faire que fort d'une autorité. فبأي آلاء ربكما تكذبان Quel bienfait de votre Seigneur, oseriez-vous donc, vous deux, démentir يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران Flammes, fumées et cuivres fondus seront projetés sur vous et vous n'aurez aucun secours. فبأي آلاء ربكما تكذبان Quel bienfait de votre Seigneur, oseriez-vous donc, vous deux, démentir فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان Lorsque le ciel se sera fendu et qu'il sera devenu comme une rose de couleur pourpre ou comme la coulée de plomb fondue. فبأي آلاء ربكما تكذبان Quel bienfait de votre Seigneur, oseriez-vous donc, vous deux, démentir فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان Ce jour-là, ni homme ni djinn ne seront interrogés sur leur péché. فبأي آلاء ربكما تكذبان Quel bienfait de votre Seigneur, oseriez-vous donc, vous deux, démentir